Je sais, je ne suis pas près d'elle, mais pourtant, je me vois avec elle. Et soudain, ses yeux deviennent des fenêtres qui s'ouvrent sur la vie, qui s'ouvrent sur ma vie. Je sais les voiles qui les recouvrent, les raisons et les peines qui l'entourent. Un oiseau qui passe et les rideaux s'envolent. Là, je peux regarder enfin sa vérité dans les yeux de maman. Il y a tous les temps, le passé, le futur, le présent, l'été, l'hiver et le printemps. Dans les yeux de maman, ils flottent et ils prennent tout leur temps. Dans les yeux de maman, j'y vois qu'elle y a sa peinture. Toutes ses toiles, ses couleurs, ses murmures. Mais qu'au fond, ce n'est que sur son corps fragile qu'elle dépose doucement tous ses points de suture. Je vois quand sa vie étincelle et ce temps qui ne peut rien contre elle, qu'elle n'a jamais vu combien elle était belle, brandissant ses valeurs pour sauver tous ces rebelles. Dans les yeux de maman, il y a tous les temps, le passé, le futur, le présent, l'été, l'hiver et le printemps. Dans les yeux de maman, ils flottent et ils prennent tout leur temps. Dans les yeux de maman, tu nous as fait vainqueurs, droits, remplis d'amour et de défauts. Et même si on n'est pas devenu ce que tu espérais, pas de carrière brillante ni de vibrant succès, sache ceci, tu es notre maman. Et quoi te dire, maman, sinon qu'on t'aime tant. Dans les yeux de maman, il y a tous les temps, le passé, le futur, le présent, l'été, l'hiver et le printemps. Mais le voile s'est refermé, il ne faut pas tout regarder. Ma mère est une femme qui garde ses secrets.